Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Berman spille un fairly stor roll. La Bohème joue un rôle très important dans les élections de l'empereur germanique. En 1619, l'empereur s'appelle Ferdinand II. Il est de la maison des Habsbourg. Cette semaine, les guerres européennes. L'empereur est élu par les sept princes électeurs des différents États allemands, constituant l'Empire. À cette époque, 9 habitants sur 10 sont protestants, alors que l'empereur est catholique, ce qui n'est pas sans créer des dissensions et des troubles majeurs. Catholicisme, protestantisme, nazisme. Il y a de nombreux enjeux politiques qui interviennent et qui justifient sans cesse l'envoi de troupes dans l'Empire. Il faut trouver des fonds pour pouvoir lever de nouvelles armées, pour poursuivre la guerre, et ce pendant 30 ans. La guerre débute avec un conflit régional. L'aristocratie bohémienne se soulève contre l'empereur habsbourgeois afin de le chasser et de lui substituer un roi. Le goût du sang. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Je m'appelle Claire Ganté, je suis née en France. J'ai commencé par enseigner en France, ensuite j'ai enseigné en Allemagne et puis j'ai fini entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire en Suisse où on peut très bien bénéficier en fait des atouts des écoles historiques françaises et allemandes et donc je me trouve très très bien en Suisse. J'ai travaillé sur la guerre de 30 ans ou sur la mémoire de la guerre de 30 ans. Sur la paix de Westphalie, sur la célébration de la paix sur le long terme, et plus récemment sur des sujets différents, un peu sur la culture politique de la fin du XVIIe siècle, et sur des choses nouvelles, alors les relations entre savants dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Et là, je viens de terminer un ouvrage sur le rêve dans l'Allemagne entre 1500 et 1800. Oh, mais voilà un sujet absolument tout à fait captivant, tout à fait attirant. Ce goût de l'histoire, Claire Ganté, il vous est venu comment ? C'est une révélation à l'école devant un ou une professeur ? Ce sont des lectures ? Ce sont des transmissions orales ? Comment ça s'est fait pour vous ? Pour moi, il y a sans doute une part d'histoire familiale. Alors, ma famille avait été assez directement touchée par la Deuxième Guerre mondiale, donc je voulais absolument éviter le sujet. Mon père étant calviniste et ma mère catholique, les relations entre chrétiens et les questions religieuses m'intéressaient. Mais j'ai surtout fait de l'histoire parce que pour moi, c'était une matière qui embrassait tout l'univers. Enfin, je m'intéressais à beaucoup, beaucoup de choses. J'ai fait des études aussi un petit peu de mathématiques. Mais l'histoire me permettait d'aborder tout ce qui existe sans trop me spécialiser. J'avais l'impression que si j'allais faire des lettres, il fallait que je sois moi-même une poète, ou si j'allais faire de la philosophie, que je sois moi-même une philosophe. Et qu'en histoire, on n'est peut-être pas un génie, mais on a une vision englobante, un peu panoptique de la réalité. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, qu'on ne comprend bien l'actualité que si on en connaît l'histoire. Donc ce sont les motivations que j'ai eues et je n'ai jamais regretté. Mais derrière ce terme, ce mot histoire, il y a deux métiers. Celui d'historienne que vous pratiquez et celui de professeur que vous pratiquez également. Ce ne sont pas exactement tout à fait les mêmes métiers. Alors comment balancez-vous ? On fait de la recherche à partir de questions qui parfois viennent en cours. Parfois aussi, je fais des cours délibérément sur des sujets qui me sont relativement étrangers, je dirais, ou en tout cas dans lesquels je ne me sens pas du tout spécialiste. Par exemple, il y a un an, j'ai fait un cours sur les Amériques à l'époque moderne. Et en fait, c'est extrêmement stimulant de sortir, pour ainsi dire, de son pré carré, de braconner un peu à droite, à gauche. Cela rafraîchit d'abord les idées, permet de prendre du recul par rapport à soi-même et de se relancer. Donc je vois plutôt une activité double, mais qui est en dialogue constant. Enfin, en ce moment, je fais un séminaire que j'aime beaucoup avec des étudiants sur le sujet corps et âme. Parce que j'ai croisé ce sujet par mes recherches sur le rêve. Donc il y a un va-et-vient constant entre la recherche et l'enseignement qui est très stimulant et que j'aime beaucoup. Claire Gantet, imaginons que vous m'ayez emmené à moyenne altitude, à disons 1500, 2000 mètres au-dessus du sol, de quoi avoir suffisamment large au sol et que nous nous trouvions en plein XVIIe siècle. Quel genre de paysage aurions-nous sous les yeux ? Avons-nous finalement quelque chose qui est relativement semblable, ville mise à part, bien évidemment, de ce que l'on peut aujourd'hui encore observer ? Ou bien même ce paysage-là est totalement différent, car nous allons parler d'un temps et d'une époque qui, il faut bien le dire, par quantité d'aspects, sauf peut-être quelques-uns, est totalement différente du monde, du temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, nous aurions affaire à un paysage très fortement différent. Les forêts ne seraient pas forcément plus grandes. Hein. On pense même que sans doute il y a actuellement plus de forêts qu'à l'époque. On avait besoin de bois pour beaucoup de choses, pour faire du verre, pour construire des maisons, pour construire des bateaux pour les pays qui le peuvent. Donc les forêts étaient intensément utilisées. Alors les champs, bien sûr, n'avaient pas du tout la grandeur et la régularité de nos champs actuels. Et les villes ne ressemblent pas du tout à nos villes actuelles. Donc on serait devant un paysage très fortement différent de notre paysage domestiqué que nous connaissons de nos jours. Les villes sont petites, même les grandes villes. Hein. Paris, qui est une ville monstrueuse à 200 000 habitants, hein, donc elles sont petites. Il y a énormément de bourgs. Les chemins sont tous différents les uns des autres. Il y a des douanes partout. Des péages à l'entrée des villes, à la sortie des villes, sur les rivières. C'est un monde qui est un monde en déplacement. Hein. Il ne faut pas croire que les gens vivaient seulement sur place, et on va le voir, je pense, avec quelques mercenaires de la guerre de 30 ans. Donc les gens circulaient énormément. Le monde était en partie déjà globalisé, ça n'est pas forcément quelque chose de très nouveau. Bien sûr, dans la mesure de l'époque, hein, mais dans les couches aisées, en tout cas, parvenaient des choses d'Amérique, hein, déjà, qui étaient très prisées. Donc, oui, voilà en quelques mots ce que l'on peut dire sur le monde d'alors. Mais vous parlez justement de déplacement, ça laisse entendre que les voies de communication, fleuves mis à part, sont déjà importantes. Les voies de communication sont très importantes et en même temps elles sont très irrégulières, très mal entretenues, dangereuses. L'insécurité est beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Hein, nous vivons dans un monde sûr. Voyager, c'est dangereux. Donc les voies de communication, bien sûr, sont très importantes. Les villes seraient des mouroirs si elles ne dépendaient pas de ces voies de communication. Mais comme je le dis, la vie est beaucoup plus fragile, beaucoup plus précaire qu'aujourd'hui. Claire Gantet, nous allons aborder un sujet tout à fait stupéfiant, mal connu, je le disais avant l'ouverture de ce micro auprès de vous, qu'est la guerre de 30 ans, une histoire mondiale, de conflit quasi mondial, en tout cas sinon mondial, largement, amplement européen. Une histoire qui commence étrangement par une situation fortement locale, mais qui semble contenir des germes. Tout commence en effet par une défenestration. Pourriez-vous, Claire Gantet, nous donner quelques éléments de compréhension de la situation ? Alors, on se situe en 1618 en Bohême, hein, donc dans tout le territoire qui environne Prague, disons la République tchèque, hein, de façon très grossière. C'est une situation effectivement locale assez étrange. Alors, la Bohême fait partie officiellement de l'Allemagne de l'époque, ce qu'on appelle le Saint-Empire, avec lequel néanmoins elle entretient des relations féodales assez ambiguës. Alors le Saint-Empire, donc l'Allemagne de l'époque, est lui-même un état féodal dans lequel il y a un empereur qui est le suzerain de tous les princes et puis donc quantité de princes On en dénomme 300 à 350, hein, des princes qui ont divers titres, comte, duc, prince électeur, chevalier libre, etc. Donc quantité de statuts différents avec un suzerain qui est l'empereur. Donc il n'y a pas eu de centralisation du pouvoir autour d'un monarque comme en France. Cela reste une construction féodale. Alors vers 1500, cette construction féodale a reçu une sorte de charpente juridique, et donc être sujet du Saint-Empire, c'est d'abord reconnaître l'empereur comme le suzerain, et puis dépendre de deux grands tribunaux d'empire, ainsi que de la diète. Donc ce sont des institutions. La vie est plus juridique que d'abord politique, hein, je dirais. Et alors, tout commence en Bohême. Alors, je le dis, la Bohême, c'est un peu un cas à part. C'est un royaume. Ça ne fait pas partie du cœur du Saint-Empire. Donc, par exemple, elle n'est pas concernée par la diète, si ce n'est que le roi de Bohême va y siéger ou peut y siéger. Mais sinon, les institutions du Saint-Empire ne s'appliquent pas à la Bohême. Bo Eriksson, professeur, Université de Stockholm. Bohemen spelar en väldigt stor roll. La Bohème joue un rôle très important dans les élections de l'empereur germanique. En 1619, l'empereur s'appelle Ferdinand II. Il est de la maison des Habsbourg. L'empereur est élu par les 7 princes électeurs des différents États allemands, constituant l'Empire. Puis la réforme, après 1500 et les conflits religieux, l'Empire allemand est divisé en 2 factions religieuses distinctes. Les capitales catholiques sont Mayence, Trèves, et également Cologne. Là, nous avons les principales régions protestantes. Le Palatinat, le duché de Saxe et la marche de Brandebourg. Tous ces États votent à part égale pour élire l'empereur. Mais la Bohème a un rôle particulier à jouer. Le vote de la Bohème est décisif, car selon la tradition, l'empereur germanique est aussi roi de Bohème. Il peut donc voter pour lui-même. À cette époque, 9 habitants sur 10 sont protestants, alors que l'empereur est catholique, ce qui n'est pas sans créer des dissensions et des troubles majeurs. Alors, pourquoi la Bohème? Traditionnellement, tout empereur doit d'abord être élu par les nobles de Bohème comme roi de Bohème, au préalable, avant d'être élu empereur. Et Habsbourg, qui est pressenti comme devant succéder à l'empereur qui meurt s'appelant Matthias Ier, ce Habsbourg, on sait qu'il est très catholique, c'est le premier empereur à avoir été élevé chez les jésuites, on sait qu'il est partisan d'une certaine centralisation du pouvoir, et des nobles de Bohême réagissent le 23 mai 1618 en jetant par la fenêtre du château de Prague des représentants de l'empereur. Hein, ils veulent empêcher que le Habsbourg pressenti soit élu roi de Bohême. Michael Kaiser, Université de Cologne. Also der Krieg fängt an als La guerre débute avec un conflit régional. L'aristocratie bohémienne se soulève contre l'empereur habsbourgeois afin de le chasser et de lui substituer un roi. Elle élit le comte Frédéric du Palatinat, roi de Bohême. Mais les Habsbourg ne l'entendent pas de cette oreille. Il y a de nombreux enjeux politiques qui interviennent et qui justifient sans cesse l'envoi de troupes dans l'Empire. Il faut trouver des fonds pour pouvoir lever de nouvelles armées, pour poursuivre la guerre, et ce pendant 30 ans. Alors, ils réagissent lorsqu'ils jettent des représentants de l'empereur par la fenêtre. Ils réagissent face à la destruction d'églises. Sur des terres royales, hein, une lettre qui leur avait été accordée leur avait promis une liberté de culte, et la liberté de construire des églises sur certaines terres. Donc ils réagissent avant tout contre le pouvoir Habsbourg. Donc la motivation, elle est confessionnelle. Ces nobles sont protestants au sens large du terme. Et puis politique. On ne veut pas de centralisation politique. Et après d'amples discussions internes, d'hésitations, ils élisent comme leur propre roi un prince du Saint-Empire, Frédéric V du Palatinat, donc une principauté qui est sur le Rhin, c'est très loin, qui est un prince calviniste. Alors là, ça sent le soufre, le calvinisme n'est pas reconnu dans le Saint-Empire à cette époque-là. Et ce prince est à la tête d'une ligue, d'une armée. Bien sûr, ils espèrent avoir le soutien de cette armée. Alors, cela veut dire qu'ils l'élisent donc comme roi de Bohême. Frédéric V accepte lui aussi après des hésitations, parce qu'il est clair que c'est une rupture avec le droit. Et deux jours plus tard, ce Habsbourg qui était pressenti est de fait élu empereur. Donc là, il y a véritablement conflit d'autorité majeur entre le prince électeur du Palatinat devenu roi de Bohême, qui traditionnellement donc aurait dû être aussi élu empereur, et puis donc le Habsbourg qui est légalement élu empereur du Saint-Empire. Donc conflit d'autorité majeur entre deux personnes qui revendiquent l'autorité impériale, pour ainsi dire. Donc Frédéric V d'une part et Ferdinand II de Habsbourg d'autre part. Et c'est ça qui met le feu aux poudres. Donc c'est un conflit d'autorité entre deux princes majeurs et il y a immédiatement une internationalisation du conflit. Frédéric V fait appel à son beau-père qui est roi d'Angleterre. Bon, il est plutôt distant, le roi d'Angleterre, il n'a pas trop envie de se mêler de tout cela. Il fait appel aux Provinces-Unies, il fait appel à la Hongrie. Et Ferdinand II de Habsbourg fait appel à l'Espagne et à la papauté. Donc d'emblée, internationalisation du conflit qui se met en place. Histoire vivante, cette semaine, les guerres européennes. Aujourd'hui, entretien avec Claire Gantet, historienne, professeure d'histoire moderne à l'Université de Fribourg. Claire Gantet, dans ce type de conflit, tout d'abord, est-ce un conflit exceptionnel ? Ces querelles ou cette problématique de succession légitime ou illégitime s'est-elle déjà posée auparavant ? Et quand bien même elle ne se serait pas posée, a-t-on prévu un lieu d'arbitrage politique au cas où une telle situation se présenterait ? Alors, l'empereur dans le Saint-Empire est élu. Il est élu par 7 princes qui portent un nom particulier, des princes électeurs, précisément parce qu'ils ont le pouvoir d'élire donc toute personne au titre de prince électeur. Alors cette élection est libre, en tout cas en théorie. Dans la pratique, depuis 1438, on a toujours élu un Habsbourg. Donc il y a une continuité Habsbourg. Mais rien n'interdit de choisir un autre prince. Donc rien n'interdit d'élire un autre empereur que le Habsbourg. Bien sûr, ce principe électif est aussi une sorte de fragilité du système. Donc l'empereur qui est en place essaye plus ou moins de faire valoir son fils auprès des princes électeurs en le faisant élire d'un titre au roi des Romains pour dire « Regardez, même s'il doit être élu, élisez quand même bien mon fils ». Cela n'est donc pas exclu, mais on l'évite parce qu'il est clair que c'est un facteur de déstabilisation majeure. Et étant donné les systèmes d'alliances très complexes des différentes principautés, alliance matrimoniale, alliance clientélaire, alliance confessionnelle, tout peut faire boule de neige et déclencher un conflit. Alors, il y a bien sûr un lieu de rencontre entre l'empereur et les différents princes, et c'est la Diète d'Empire, qui jusqu'en 1663 ne siège pas dans un endroit fixe. À partir de 1663, on se dit que ça doit siéger de façon permanente, et c'est à Ratisbonne, donc actuellement dans le nord de la Bavière. Mais auparavant, la Diète est convoquée par l'empereur. Alors l'empereur a ce pouvoir, parmi ses pouvoirs, donc celui de convoquer la Diète, dans une ville particulière. En général, on choisit une ville relativement grande et une ville qui ne dépend pas d'un de ces 300 ou 350 princes, donc une ville qu'on appelle immédiate, qui dépend immédiatement de l'Empire. Donc, par exemple, ça peut être Augsbourg, mais ça peut être aussi d'autres villes. Et donc, la Diète, c'est le lieu de rencontre des princes et de l'empereur. Alors, tout ce qui touche à la guerre et à la paix doit y être discuté. Donc, effectivement, l'une des missions de la Diète, c'est d'empêcher une guerre interne. La Diète, normalement, doit aussi légiférer à l'échelle de l'Empire, battre monnaie. Alors, il y a bien sûr quantité de monnaies différentes dans l'Empire. C'est quelque chose qu'on ne peut plus imaginer. J'ai lu un journal d'un pasteur dans les années 1660. Il avait des comptes en 29 monnaies différentes parce que chaque principauté a sa monnaie, il y a une monnaie d'Empire, etc. Donc, c'est très compliqué. Et la Diète lève aussi des impôts d'Empire. Voilà, donc c'est quelque chose qui, à l'époque de la guerre de 30 ans, n'est plus réuni, parce que précisément on ne parvient plus à s'entendre, mais qui est un instrument puissant de négociation des relations de force entre princes eux-mêmes et puis d'échange d'informations. Ça a un très grand rôle dans l'échange de l'information au niveau de l'Empire. Alors, de façon intéressante, les décisions y sont prises à la majorité. Mais sur les questions religieuses, on décide dès la fin du XVIe siècle que la majorité n'est pas un principe très pertinent et que pour éviter la mise en minorité d'une telle partie, luthérien ou catholique, on va siéger par la parité, c'est-à-dire que, indépendamment du nombre des représentants du catholicisme ou du protestantisme à la Diète, on partagera l'Assemblée en deux parties, et ensuite il y a des négociations directes entre ces deux parties pour éviter donc la mise en minorité de telle confession, de tel culte. On réalise, Claire Gantet, en vous entendant, que l'Empire, qui pourrait de loin donner l'impression d'un modèle politique unifié, est en fait un endroit avec pas mal de disparités. Vous citiez la monnaie, je pense qu'il doit en être de même pour toute unité métrique, mesurer les distances. Chacun mesure la distance avec ses propres termes et avec sa propre mesure. Ce n'est donc pas un empire unifié. Qu'est-ce qui fait que ça s'appelle tout de même empire ? Alors, le Saint-Empire est un état extrêmement fragmenté, avec des unités de taille extrêmement diverses, de taille et de pouvoir aussi très disparates. La Saxe, par exemple, c'est une principauté électorale. Le prince électeur, il a le droit d'élire l'empereur. Et c'est une principauté très étendue. Mais même les principautés très étendues sont souvent en fait d'enclaves. Elles sont elles-mêmes hétérogènes. À l'intérieur des principautés, il n'y a pas uniformité du droit non plus. Donc il y a une très très grande disparité des statues, des tailles. Il y a par exemple des villages qui ont statut de village libre, enfin des choses qu'on aurait peine à imaginer aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui aiment la diversité, c'est un véritable modèle. Alors ce qui fait l'unité du Saint-Empire, c'est la charpente institutionnelle qui s'est mise en place vers 1500, donc la diète, les deux grands tribunaux d'empire. C'est l'autorité de l'empereur, même s'il n'a pas les pouvoirs d'un roi. Il n'y a par exemple pas d'armée permanente de l'empereur. Hein. L'armée de l'empereur est très très petite. Donc c'est un empereur qui d'un côté a un pouvoir très réduit, mais de l'autre une autorité morale extrêmement grande. Et puis il y a toute une culture, une tradition historique qui soude véritablement les contemporains. Et précisément dans des périodes de très grands conflits internes, comme la guerre de 30 ans, qui est aussi vécue comme une guerre civile dans le Saint-Empire, on recherche une unité par la culture, par la langue. La première poétique allemande date de 1624, en réaction à la guerre qui divise. Donc la langue et la culture sont aussi des facteurs d'unité. Ud Vlas, professeur, Université de Charles à Prague. Un élément important, et même décisif, fut son mariage avec Elizabeth Stuart, la fille du roi Jacques Ier d'Angleterre. Bo Eriksson, professeur, Université de Stockholm. L'Angleterre oscille entre deux grandes stratégies politiques. D'un côté, diverses alliances lui permettraient de garantir sa suprématie maritime. De l'autre, elle voudrait apporter un soutien aux protestants. Elle hésite donc à conclure une alliance avec l'Espagne, ce qui conduirait à un conflit avec la France et les Provinces Unies. Mais si elle fait cause commune avec la France, cela provoquera un conflit avec l'Espagne. À cette époque, l'Angleterre, au même titre que la France, se trouve donc face à un lourd dilemme, d'autant que les règles du jeu semblent changer chaque jour. Claire Ganter, revenons aux événements à la suite de la défenestration. Il y a donc de la part de Frédéric V une recherche d'alliés, mais à l'évidence, à cette recherche d'alliés, il y a répondu une sorte de prudence. Est-ce que l'on doit traduire cela par « personne ne veut la guerre » En 1618, personne, en tout cas, n'imagine qu'il y aura une guerre de cette ampleur. Personne ne pense que naît une guerre d'une violence inédite, d'une durée inédite. 30 ans, c'est toute une génération. Et c'est aussi l'âge qu'on prêtait au Christ à l'époque. Enfin, il y a une valeur symbolique du chiffre 30 ans. On voit qu'il y a un durcissement des relations politique et confessionnelle. C'est tout à fait clair aux contemporains, ils en sont tout à fait conscients. Durcissement depuis la fin du XVIe siècle, et puis subitement une escalade, et on veut brusquement s'armer pour parer à cette escalade. Mais on n'imagine pas du tout entrer dans une telle guerre. Donc en un sens, on ne peut pas dire que les contemporains voulaient éviter la guerre, mais ils voulaient parer à cette escalade, sans penser plus avant. Demain, la suite de l'entretien avec Claire Gantet et de l'évocation de la guerre de 30 ans. Cette semaine est réalisée par Thierry Châtel. Afin d'approfondir votre connaissance de la guerre de 30 ans, Arte a réalisé une série historique intitulée « L'âge de fer » dont vous entendrez toute la semaine quelques extraits. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté.